me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici conviés comme chaque jour de cette semaine au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le talentueux et courageux Armand Carrel est-il mort dans le troisième duel politique qu'il a opposé à Émile de Girardin le 22 juillet 1836, demande Antoine Compagnon. Et pourquoi Carrel est-il hostile aux poursuites pour diffamation? Comment deux modèles de presse sont-ils opposés? Carrel incarnant, selon la formule du journaliste politique Jacques Kaiser, le désintéressement de la liberté contre l'industrie naissante du journalisme. Et que reste-t-il aujourd'hui du tribun républicain Armand Carrel, du journaliste estimé même de ses ennemis et figure hélas oubliée à laquelle Jacques Kaiser, historien du journalisme avant Antoine Compagnon, engagé dans une croisade en faveur de la liberté de l'information, a rendu un vibrant hommage à la radio en 1955. Carrel devient une des plus fortes personnalités du monde politique, bien qu'il ne siège pas au Parlement. Ses articles, précis, documentés, habiles, insistants, d'un style sans défaillance, valent de nombreux bulletins de vote. Pendant cette période de près de 4 années, Carrel mène une lutte de tous les jours, ne connaît pas la lassitude et, jamais inférieur à lui-même, marque en permanence de son empreinte la vie politique française. La lecture de ses articles permet de glaner d'innombrables pensées qui, de nos jours, demeurent valables pour montrer aux journalistes les exigences de leur profession conçues dans l'honneur et pour avertir le pouvoir de la nécessité de garantir une liberté qui, tout considéré, sera profitable à l'État. C'est un devoir sacré pour un journal, écrivait Armand Carrel, de ne taire aucune vérité, de peindre les situations comme il les voit, de parler des hommes suivant ce qu'ils semblent mériter, de ne laisser échapper aucune occasion de publier ce qui est bien, d'attaquer ce qui est mal. Aucune occasion Carrel ne laissait passer. Et comme il était aussi maître de sa pensée que de sa plume, comme il ne ménageait personne, il pouvait répliquer aux menaces des gouvernants. Vous ne pardonnez point cet art de journalistes exercés qui nous permet toujours de trouver, pour dire la vérité, une forme qui puisse vous atteindre, vous, sans blesser la loi. Carrel disparu dans ce bois fatal, selon le mot de Chateaubriand, quelles sont les autres figures de la guerre littéraire? Comment l'éreintage ou l'éreintement, mot nouveau et mot de métier, qui consacre l'art de casser les reins et de démolir ce qui est en vue, est-il un art essentiel dans la guerre littéraire? Qui était Adolphe Granier de Cassagnac, modèle de l'éreinteur, rédacteur au Journal des débats, fondateur du Globe et fameuse plume de guerre? Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, poursuit la série inaugurée en 2017 autour de la littérature comme sport de combat. Dans un premier cycle de cours l'an passé, il avait mis en avant les tropes de la guerre littéraire qu'il avait empruntée aux illusions perdues de Balzac. Cette année, il propose de s'attacher aux figures de ce journalisme belliqueux qui joue de l'épée et de la plume d'acier en essayant de leur associer à chacun un des tropes de la guerre littéraire. Le cours précédent avait présenté les deux premiers duels politiques d'Armand Carrel, figure du journaliste et éternel sous-lieutenant. Nous l'avions laissé grièvement blessé par le deuxième duel, constatant que sa vie de jeune homme est finie et qu'il ne lui reste plus d'autres armes que la plume. Et pourtant. Après sa disparition, Chateaubriand, qui regrette l'ami toujours prêt à risquer sa vie, dans de très belles pages des Mémoires d'outre-tombe, déplore le troisième et ultime duel face à la presse industrielle incarnée par Émile de Girardin. Il écrit, et je le cite, « S'il eût succombé dans son duel contre le jeune Laborie, à propos d'Henri V, sa mort aurait eu du moins une grande cause et un grand théâtre. Il nous a abandonnés pour une misérable querelle qui ne valait pas un seul cheveu de sa tête. » Avant de découvrir Granier de Cassagnac en deuxième partie, nous allons comprendre tout de suite pourquoi Carrel s'est engagé dans cet ultime duel où pour lui jouait l'honneur. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 20 février 2018 pour le cours d'Antoine Compagnon. Aujourd'hui, ce bois fatal m'a fait pleurer deux fois. Carrel, à la suite de ce second duel politique, il y en aura pourtant un troisième, le 22 juillet 1836, avec Émile de Girardin. Et c'est un duel qui lui sera fatal, après une longue agonie, et c'est un duel qui eut d'immenses retentissements pendant longtemps, puisqu'il y aura un pèlerinage à la tombe de Carrel au cimetière de Saint-Mandé. Il s'agit donc d'un conflit entre la presse politique, la vieille presse politique, le National, et la nouvelle presse commerciale, créée par Émile de Girardin, la presse, créée en juillet 1836, à la suite des lois répressives de septembre 1835, qui réintroduisent un cautionnement élevé, la censure préalable pour les caricatures, etc. La presse républicaine est étranglée, c'est cette presse qui se vend à un abonnement de 80 francs par an, alors que la presse de Girardin et le siècle également ont cassé les prix en deux. Elle se vend à 40 francs par an. Et vous voyez que le duel entre Girardin et Carrel a lieu aussitôt après le lancement de la presse, la nouvelle presse, le 1er juillet 1836. Parce que Girardin a publié un prospectus hostile à la vieille presse traditionnelle. Il s'en est suivi une polémique entre Girardin et le bon sens qui est un autre périodique républicain, qui l'a attaqué. Girardin a répliqué en citant à comparaître Le Bon Sens en diffamation devant le tribunal correctionnel. Et c'est ça qui irrite Carrel, c'est qu'on en fasse appel à la justice, au tribunal, qu'on porte plainte pour diffamation. C'est à ce moment-là que le National intervient, le 20 juillet 1836, Carrel faisant valoir que Girardin aurait pu répondre dans son journal. Et on voit très clairement que Carrel est hostile aux poursuites pour diffamation. Il y a bien un conflit d'école, cette vieille école de l'honneur, l'honneur qui ne peut pas être défendu devant cette justice corrompue, non compétente pour ces questions. Au tribunal, Carrel se défend. Il se défend, mais il n'attaque jamais. Si on l'attaque, c'est en duel qu'il se défend. Et la presse en profite en prend occasion pour l'attaquer personnellement, le 22 juillet. Et c'est cet article-ci de la presse qui sera l'occasion du duel. C'est Girardin qui explique qu'il aurait pu répliquer de trois manières. Répondre à la calomnie par la diffamation, un duel avec le gérant du journal, enfin un procès en diffamation. Ce sont les trois recours qu'il aurait eus. Et dit-il, il a choisi le procès en diffamation. Et on voit bien le reproche, c'est le reproche de manque de loyauté qui est celui de Carrel. Et voilà la phrase dans le texte de Girardin qui provoquera le duel. Il dit « C'est bien malgré nous et parce qu'il ne nous est point possible de garder le silence que nous nous jetons sur le terrain où l'on nous pousse. Mais enfin, si l'on persiste à le vouloir, nous l'accepterons et nous publierons ce que le bon sens, le national et le temps ont coûté à leurs actionnaires. Nous ferons à notre tour les comptes de ces journaux et puisqu'ils prennent la peine de faire les nôtres, les renseignements sur ce point ne nous manqueront pas plus que ceux qui nous seraient nécessaires pour la biographie de plusieurs rédacteurs de ces journaux, si nous étions jamais contraints de la publier. » Et voilà l'allusion personnelle à la vie privée de Carrel qui provoqua le duel. Si nous nous serait nécessaire pour la biographie de plusieurs rédacteurs de ces journaux, si nous étions contraints de la publier. C'est une allusion à la vie privée de Carrel, et c'est la raison pour laquelle il considéra qu'il était l'offensé et qu'il choisit le pistolet, comme on le trouve dans les divers récits, dont celui de Louis Blanc. Aussi ce qu'écrit un autre ami de Carrel, « Lorsque j'appris qu'il devait croiser l'épée avec le fondateur du journal La Presse, le sujet apparent de la Carrel me parut si puéril, donc une querelle entre deux journaux jugent que leurs comptes ne sont pas clairs, leur comptabilité n'est pas claire, que je me permis d'aller lui rappeler notre explication à propos de l'empereur Nicolas, un duel qu'ils avaient évité à propos d'un article sur la Pologne. « Croyez donc, me dit Carrel, que je vais me battre sottement pour prouver à mon adversaire qu'il a tort d'abaisser le prix des journaux à 40 francs. Il m'a menacé de faire ma biographie et d'y faire figurer une personne dont je ne souffrirai pas que le moindre souffle soulève le voile. Je le tuerai ou il me tuera. » Et au fond, c'est pour une affaire de femme, finalement, que le duel a lieu, ce qui nous ramène peut-être au duel de Courrier. Souvenez-vous de Courrier, le premier pamphlétaire, mort, lui, assassiné, et dont la carrière fut aussi interrompue assez rapidement. Le duel a lieu donc le 22 juillet. Une très longue agonie s'ensuit et Carrel mourra le 24 juillet au matin. On a un long récit de cette agonie, de la mort de Carrel et de l'enterrement dans les mémoires d'Outre-Tombe, puisque Chateaubriand est l'un des premiers à se rendre à son chevet. Ce sont de très belles pages dans les mémoires d'Outre-Tombe où Chateaubriand reprend, enfin c'est l'évocation de ce thème de la mort qui aura une grande fortune plus tard dans les mémoires d'Outre-Tombe. C'est l'appel aux morts qui sera évoqué à propos de Carrel. Et voici ce qu'il dit du duel, Chateaubriand, « Bien que supplément obligé aux lois qui ne connaissent pas des offenses faites à l'honneur. » Autrement dit, Chateaubriand reprend l'argument de Carrel lui-même sur le caractère indispensable du duel dans l'état de nos lois. Le duel est affreux, surtout lorsqu'il détruit une vie pleine d'espérance et qu'il prive la société d'un de ces hommes rares qui ne viennent qu'après le travail d'un siècle dans la chaîne de certaines idées et de certains événements. Carrel tomba dans le bois qui vit tomber le duc d'Enghien. L'ombre du petit-fils du grand Condé servit de témoin au plébéien illustre et l'emmena avec elle. Ce bois fatal m'a fait pleurer deux fois. Du moins, je ne me reproche point d'avoir, dans ces deux catastrophes, manqué à ce que je devais, à mes sympathies et à ma douleur. Bon, c'est intéressant d'observer que Chateaubriand utilise le même topos qu'à propos de la mort de Courier. Vous vous en souvenez, Courier était mort dans le bois de Rancé. Et à propos de la mort de Courier, on avait ce rapprochement entre Courier et Rancé, rapprochement très étrange. Et ici, nous avons la même image de ce bois fatal qui m'a fait pleurer deux fois, rapprochant la mort du duc d'Enghien et la mort ici d'Armand Carrel. Alors ce sont de longues pages que je vous invite à relire dans les mémoires d'Outre-Tombe, d'éloge d'Armand Carrel, qui a dit, avant de mourir, le porte-drapeau du régiment est le plus exposé. Donc, reprenons cette image du soldat au moment de mourir, et d'ajouter aussitôt « point de prêtre, point d'église », ce qui, pour Chateaubriand, reste dramatique. Alors, le choc de la mort de Carrel a été unanime. 10 000 personnes lui ont rendu hommage lors de ses obsèques à Saint-Mandé, et on y retrouve Chateaubriand, Arago, Béranger, Lamennais, pour un martyr républicain. Béranger écrit au retour de ses obsèques « Jamais, je crois, je n'ai vu autant pleurer à un enterrement d'homme politique. » Et un autre adversaire, nettement, considère que Armand Carrel était la personnification de la presse entière. C'est pourquoi l'unanimité se fait autour de cette mort. Voici donc la statue d'Armand Carrel, c'est un modèle de la statue qui a été érigée sur sa tombe à Saint-Mandé par David d'Angers, donc lieu du pèlerinage républicain, et la statue de Rouen, sa ville natale, ce monument radical érigé en 1882 et détruit en 1941. Il nous montre bien l'étendue de cette gloire radicale du personnage. Dans le congrès de Vérone, en 1838, où Chateaubriand évoque sa réconciliation avec Carrel, qui était de l'autre bord pendant la guerre d'Espagne en 1823, eh bien, c'est l'occasion, disais-je, de l'ébauche de cet appel aux morts que l'on retrouvera dans les mémoires d'Outre-Tombe et puis que l'on retrouvera dans le temps retrouvé de Proust. Voici cette ébauche qui vient à propos de Carrel. « Combien manque-t-il encore de personnages parmi ceux que l'on a comptés pendant la guerre d'Espagne ?» Ferdinand VII n'est plus, Mina n'est plus, sans parler du premier de tous à mes yeux, de Carrel, échappé des champs de la Catalogne et tombé à Vincennes. Carrel, je vous félicite d'avoir d'un seul pas achevé le voyage dont le trajet prolongé devient si fatigant et si désert. J'envie ceux qui sont partis avant moi, comme les soldats de César, à Brindes, du haut des rochers du rivage, je jette ma vue sur la grande mer. Je regarde vers les pires, dans l'attente de voir revenir les vaisseaux qui ont passé les premières légions pour m'enlever à mon tour. » Bon, ça, c'est le passage du congrès de Vérone, largement amplifié dans les mémoires d'Outre-Tombe, mais où l'on retrouve les mêmes images développées, enrichies sur tous ces morts avant moi, et sur Carrel comme personnage tout à fait exceptionnel. Chateaubriand raconte une visite chez Carrel après sa mort, où il rencontre sa maîtresse, qu'il appelait Madame Carrel dans ses lettres. Quelques jours après les funérailles, j'allais chez Monsieur Carrel. Il rencontre cette personne qui était chère à Carrel et qui lui montre le portrait de Carrel fait par Harry Schaeffer sur son lit de mort. « Vous allez voir Monsieur Carrel, » lui dit-elle. Elle se leva, prit un tableau sur lequel était jeté un voile, ôta le voile et découvrit le portrait de l'infortuné fait quelques heures après sa mort par Monsieur Schaeffer. Chateaubriand, lui aussi, se rendra en pèlerinage. Il raconte qu'il va chaque année à la tombe de Carrel à Saint-Mandé, qu'il donne des sous aux jardiniers pour qu'ils prennent soin de cette tombe, qu'ils y sèment du gazon et y entretiennent des fleurs. À chaque changement de saison, je me rends à Saint-Mandé, dit-il dans les mémoires d'Outre-Tombe, pour m'acquitter de ma redevance et m'assurer que mes intentions ont été fidèlement remplies. Cette fortune littéraire de Carrel, que je trouve chez Chateaubriand, eh bien, elle est aussi chez Balzac. J'évoquais, je crois, en parlant de lui, Z. Marcas. Excusez-moi, encore une note sur Chateaubriand. Quelqu'un me demandait la semaine dernière, mais Chateaubriand a bien voté l'exécution du maréchal Ney. Le maréchal Ney dont Carrel faisait honte à la Chambre des Pairs. Oui, Chateaubriand était pair de France au moment de la condamnation de Ney et il a voté pour la mort. Je disais, présence de Carrel dans Z. Marcas, présence de Carrel dans Lucien Leven. Voici un passage de Z. Marcas où les jeunes gens l'interrogent et on y trouve cette comparaison de Carrel et de Thiers, le rival politique opportuniste. Ne vous ai-je pas dit que nous ne connaissons pas toutes les racines du hasard ? C'est Z. Marcas qui parle. Carrel était dans une position identique à celle de cet orateur, Thiers. Ce sombre jeune homme, cet esprit amer, portait tout un gouvernement dans sa tête. Celui dont vous me parlez n'a que l'idée de monter en croupe derrière chaque événement. Des deux, Carrel était l'homme fort. Eh bien, l'un devient ministre, Carrel reste journaliste. L'homme incomplet mais subtil existe, Carrel meurt. Donc, parallèle entre Thiers et Carrel, que l'on trouverait souvent, et montrant la pureté de l'un et l'arrivisme de l'autre. Ou dans Lucien Leven, où je vous ai dit que Carrel était très présent, puisque tout le manuscrit date de ces années de la plus grande notoriété de Carrel. Voici Lucien Leven qui décrit sa situation. Je trouve en France deux ou trois grandes maisons de commerce qui se disputent le monopole des faveurs sociales. Dois-je m'enrôler dans la maison Henri V et compagnie ou dans la maison Relka et compagnie ? Toujours ces identités masquées. En attendant le choix que je pourrais faire plus tard, j'ai accepté un petit intérêt dans la maison Louis-Philippe, Elfie, la seule qui soit à même de faire des offres réelles et positives. Et moi, je vous l'avouerai, je ne crois qu'au positif. Et même qu'en fait d'intérêt, je suppose toujours que la personne qui me parle veut me tromper si elle ne me donne du positif. J'ai l'avantage d'apprendre mon métier. Quelque respectable et considérable que soit le parti de la République et celui de Henri V, ni l'un ni l'autre ne peut me donner le moyen d'apprendre à faire agir un escadron dans la plaine. Voilà pour Lucien Leven et voilà pour cette célébrité de Carrel qui sera donc l'un de ses saints patrons de la Troisième République avant d'être beaucoup oublié, mais qui, me semble-t-il, est bien vraiment le modèle de ce combattant des lettres pendant les quelques années de sa carrière, carrière très courte, 1830-1836, mais carrière de véritable soldat des lettres. C'est France Culture vous présente Antoine Compagnon. Aujourd'hui, ce bois fatal m'a fait pleurer deux fois. Je voudrais donc vous parler de Granier de Cassagnac. C'est un personnage que j'ai évoqué à plusieurs reprises l'année dernière. Nous l'avons croisé, mais j'avais promis de l'attaquer de front et je n'ai pas eu le temps de le faire. Je lui consacrerai une seule leçon parce que je dois aussi accélérer un petit peu. On est déjà au 8e cours et je voudrais aborder d'autres personnalités encore. Il est un peu plus jeune que Carrel, mais au fond, c'est la même génération. Il est né en 1806, 6 ans de moins que Carrel. Partout, c'est lui qui est considéré comme le guerrier le plus violent du milieu de l'époque. On l'avait rencontré l'an dernier, une première fois, à propos de cette notion d'éreintement, la figure de l'éreintement, et il est le modèle de l'éreinteur. Je viendrai à cette caricature dans un moment qui le montre en effet avec le même pistolet que Bugeaud, à la taille. C'est dans l'article de Sarcey, que j'avais sans doute cité sur ce mot nouveau dans le français contemporain, éreinté, éreinteur, éreintement. L'article se terminait en donnant ces deux modèles, Monsieur Granier de Cassagnac, Monsieur Granier de Cassagnac et Veuillot s'étaient fait une grande réputation en ce genre, l'un dans le sacré, l'autre dans le profane. Autrement dit, pour Sarcey, il y a ce nouveau genre littéraire qui est apparu sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, l'éreintement, et on a deux héros, sacré et profane. C'est l'occasion d'annoncer que le portrait suivant que je voudrais faire sera celui de Louis Veuillot, complément donc de Granier de Cassagnac. Bon, on a donc deux figures tutélaires de cette écriture comme art martial. Et puis, l'autre point de départ que j'avais donné pour ce cours l'an dernier, c'était les conseils aux jeunes littérateurs de Baudelaire. Baudelaire dont vous vous rappelez qu'il est le seul à employer le mot « éreintage », alors que les autres disent « éreintement ». Et en 1846, dans ses conseils aux jeunes littérateurs. Baudelaire écrivait « Il y a deux méthodes d'éreintage, par la ligne courbe et par la ligne droite, qui est le plus court chemin. On trouvera suffisamment d'exemples de la ligne courbe dans les feuilletons de Jules Janin. La ligne courbe amuse la galerie, mais ne l'instruit pas. » Donc c'est ce bavardage, ce badinage, cette conversation de Janin, souvent qualifiée de mousse. En revanche, la ligne droite est maintenant pratiquée avec succès par quelques journalistes anglais, dit Baudelaire. À Paris, elle est tombée en désuétude. On est en 1846. Monsieur Granier de Cassagnac lui-même me semble l'avoir trop oublié. Donc Granier de Cassagnac est bien, pour Baudelaire, l'emblème de cette ligne courbe, mais il est, au fond, en 1846, déjà devenu ministériel. Elle consiste à dire « Monsieur X est un malhonnête homme et de plus un imbécile, c'est ce que je vais prouver, et de le prouver, primo, secundo, tertio, etc. Je recommande cette méthode à tous ceux qui ont la foi de la raison et le point solide. » Et de manière très intéressante, on a de nouveau un couple, couple Granier-Cassagnac-Janin, qui cette fois n'est plus de même nature. C'est pas l'objet sacré ou profane, mais c'est le style, c'est la méthode droite et la méthode courbe. Et on pourrait observer qu'à chaque fois, bon, je vous ai dit que le mot éreintage, c'est vraiment un mot de Baudelaire, nul autre ne l'utilise, mais dans les très rares occurrences où on peut trouver ce mot éreintage, eh bien, il est associé à Granier de Cassagnac, comme dans cet article du Figaro du 19 novembre 1854, où voici ce que nous pouvons lire. « Le franc juge, ce titre ronflant, appartient à M. Granier de Cassagnac, qui va fonder ce journal avec l'aide de messieurs Sainte-Beuve, Barbé d'Orville, avec une orthographe fantaisiste, etc. À la tête de l'entreprise est une célébrité commerciale, M. Dutac, dont les abonnés auront en prime des romans de Balzac. Les fondateurs de cette feuille quotidienne et non politique ont longtemps hésité entre le titre définitif et celui de l'éreintage quand même. » Très rare occurrence de ce mot éreintage en français, et dans une association très intéressante, puisqu'on y trouve Granier de Cassagnac, Sainte-Beuve et Barbé d'Aurevilly, qui en est encore à ses débuts. Alors c'est d'autant plus intéressant que bon, le fondateur, c'est Dutac, Dutac qui est le fondateur du siècle, le grand journal à 40 francs, rival de la Presse de Girardin. Et puis, à la même page du Figaro, ben, il y a justement une allusion à Jules Janin, au procès que Jules Janin intente au Figaro à la suite d'un éreintement de l'un de ses ouvrages. Et vous voyez qu'on a une nouvelle coïncidence de ces noms, Janin qui porte plainte en justice, et Granier de Cassagnac qui sera le spadassin. Mais l'attelage est intéressant, Granier, Sainte-Beuve, Barbé. Il me semble que Sainte-Beuve l'évoque quelque part, je n'ai pas encore été chercher la vision, mais Sainte-Beuve évoque cette possibilité. En novembre 1854, Barbé d'Aurevilly tente de fonder ce journal, c'est lui qui est derrière cette entreprise, auquel collaborerait, il y a deux autres noms que voudrait faire collaborer Barbé d'Aurevilly, ce sont Proudhon et Veuillot. Étrange assemblage, mais c'est l'assemblage de tous les plus violents du moment. Proudhon et Veuillot, toutes les plumes de fer. Et Barbé d'Aurevilly écrit dans une lettre « Le franc juge, pour moi, s'appellera le vengeur », réunissant toutes ces plumes cruelles. Et voilà, au fond, tous les hommes qui mériteraient leur portrait dans un cours comme celui-ci. Évidemment, j'aurai pas le temps de les parcourir tous. Jeannin, Proudhon, Veuillot, Granier de Cassagnac, Barbey d'Aurevilly et Sainte-Beuve. Ce sont véritablement toutes ces plumes de fer. On avait aussi aperçu l'an dernier Granier de Cassagnac à propos de l'image du condottiere. Il est le condottiere emblématique. Souvenez-vous, condottiere, c'est un mot qui était utilisé par Veuillot, justement, pour décrire ses manières de jeunesse, ses polémiques de jeunesse. Il disait, Veuillot, qu'il était un de ces condottieries de la plume qui vont d'un camp dans l'autre. Le condottiere de la plume, c'est celui qui vend sa plume au plus offrant. Et autour de la Révolution de 1830, les reclassements ont été nombreux. Et évidemment, Veuillot condamnait cette jeunesse de condottière. Plus tard, il réfutera l'appellation quand elle lui sera retournée. Et Sainte-Beuve reconnaît que Louis Veuillot, dit-il, était à l'origine de cette race des condottieries. Donc les condottieries de l'époque, ce sont avant tout Granier de Cassagnac et Veuillot. Barbey d'Aurevilly parlera de condottierisme, et pour lui, l'emblème du condottierisme, c'est bien Granier de Cassagnac, qu'il appelle plume de guerre, qui sait être aussi une plume de justice. Donc l'appellation de plume de guerre que j'avais pris comme titre de cette leçon, elle vient en effet donc de Barbey d'Aurevilly pour Cassagnac. Et pour décrire sa constance malgré les revirements qu'il a pu adopter au cours de sa carrière. Voici ce qu'il écrit. Pendant 20 ans et davantage, cette injure qu'il ne craignait pas, qui ne troublait pas la bonne humeur de sa force, la travestit en je ne sais quelle condottière superbe, impassible à la honte. Et c'était vrai, il était impassible à celle qu'on voulait lui faire pour fausser ses armes ou pour le désarmer. Or, si par condottière, il faut bien entendre ce qu'on a entendu toujours, c'est-à-dire un homme qui met sa vie ou sa pensée au service de tous ceux qui peuvent les payer ce qu'ils les estiment, pourquoi donc n'a-t-on jamais vu Cassagnac au service des partis révolutionnaires, plus populaires et plus puissants que les gouvernements qu'ils ont détruits ? Autrement dit, pour Barbey, il y a une constance dans la carrière de cette plume de guerre, c'est qu'elle n'a jamais été au service des partis révolutionnaires, mais toujours au service de l'ordre. Certes, Granier a varié, dit-il, mais il n'a jamais été du parti du mouvement. Et pourtant, dans l'article très sévère de Larousse, dans le Grand Dictionnaire universel, sur Granier de Cassagnac, Larousse fait remarquer que le publiciste s'était révélé, dès 1831, par une brochure politique aux électeurs de France, signée B. Adolphe Granier de Cassagnac, Toulouse, et fort curieuse en ce que son auteur, alors fougueux démocrate, adorant tout ce qu'il devait brûler plus tard, y sonnait à tour de bras le tocsin de la royauté. « Électeur de France, s'écriait-il, les rois s'en vont. » Autrement dit, Granier de Cassagnac avait bien commencé en 1830 comme républicain et comme révolutionnaire. Jeannin et Granier de Cassagnac, les voici représentés par Nadar. Ce sont donc un peu des frères ennemis, la ligne courbe et la ligne droite, disait Baudelaire. Mais ils ont quelque chose en commun de très intéressant, c'est que tous les deux ont été connus après un seul article, célèbres par un seul article qui les a rendus connus de tous, enviés et détestés. Et ces deux articles ont été publiés dans le journal des débats. L'article de Jeannin, c'est un compte-rendu de théâtre que Balzac pastiche dans « Illusions perdues », ce qu'il fait écrire à Lucien de Rubempré. Et l'article de Granier de Cassagnac, j'y viendrai dans un moment, c'est un article de démolition d'Alexandre Dumas, publié dans le journal des débats le 1er novembre 1833 et qu'il a rendu définitivement célèbre. Mais on voit bien que entre ces deux hommes, il y a les deux voies, la chicane et le duel. Et aujourd'hui, c'est à la voie du duel que je voudrais m'intéresser. Granier de Cassagnac nous dit, Larousse, dans le Grand Dictionnaire universel, a un tempérament de polémiste et de boxeur. Image du boxeur littéraire qui prend le relais de celle de l'escrimeur. C'est une plume de combat, donc plume de guerre pour Barbey d'Aurevilly, plume de combat pour Larousse, bonne dans la lutte, mais gênante même pour le parti qu'elle soutient. Gênante pour le parti qu'elle soutient par les excès de sa violence de plume. Et cette réputation guerrière a été acquise dans le contexte de la bataille romantique. Granier de Cassagnac, qui s'appelait encore simplement Granier, est monté de Toulouse en 1832. C'est un Rastignac, c'est un jeune Rastignac qui a une lettre de recommandation dans la poche pour le député, pour son député. Le député de la Haute-Garonne, qui est Charles de Rémusat, journaliste, ministre, académicien, celui que je citais à propos du duel de Carrel. Et le jour même, Rémusat le présente à Guizot, ministre de l'Instruction publique. Et dès le lendemain, il est introduit chez Victor Hugo et chez Bertin, le directeur du journal des débats. En arrivant à Paris, il est aussitôt utilisé comme spadassin. Et voici comment Edmond Texier le présente dans son « Histoire des journaux » en 1851, rappelant que Granier fut introduit par Hugo au journal des débats comme un exécuteur des basses œuvres et que il s'est donc fait un nom en dénonçant les plagiats de Dumas. Monsieur Granier de Cassagnac n'avait que la cape et la plume, présenté comme un cadet de Gascogne. Mais il faut bien le dire, sa plume valait quelque chose. Il se présenta chez monsieur Victor Hugo, déposa son enthousiasme à ses pieds et lui déclara qu'il allait se mettre en campagne et pourfendre les géants ennemis du grand homme ainsi que les vieux enchanteurs de l'école classique. Monsieur Hugo ouvrit à monsieur Granier la porte des débats. Celui-ci commença par saisir monsieur Alexandre Dumas, par le secouer, le serrer et finalement par lui passer sa critique au travers du corps. Voilà une image très intéressante qu'on pourrait trouver, dont on pourrait suivre la trace, hein, passer une critique à travers le corps. Le grand crime de Dumas, c'était d'être le rival de Hugo. Cependant, la blessure de Dumas fit du bruit et M. Bertin aîné, qui n'aimait pas ces sortes d'estocades littéraires, pria poliment M. Granier de Cassagnac d'aller dégainer plus loin. Et vous voyez qu'il a cette réputation, toute cette métaphore filée du spadassin, du mousquetaire des lettres, qui nous renvoie à des images qu'on avait repérées l'année dernière à propos de Cyrano ou de Scudéry. C'est un Gascon, c'est l'héritier de Scudéry et de Cyrano, qui quittèrent l'épée pour la plume. Alors, Carrel et Courrier, dont on a parlé précédemment, ont en effet quitté l'épée pour la plume, puisque c'était des anciens soldats. Granier de Cassagnac, il monte tout jeune à Paris, il n'a jamais quitté, il n'a jamais été soldat, il ne quitte pas l'épée pour la plume, mais sa plume est d'emblée une épée. Voici un autre récit de son arrivée à Paris, toujours par Edmond Texier, c'est dans un compte-rendu d'un des livres de Granier. À peine arrivé à Paris, Adolphe Granier se transforme en Granier de Cassagnac. Dans l'article de Larousse du Grand Encyclopédie, il y a une longue colonne pour savoir s'il a droit à ce Cassagnac dans son nom ou si c'est un faux. Et va tout droit à la place royale offrir sa plume à M. Victor Hugo qui attendait un critique. Celui-ci, charmé de la forfanterie gasconne et de l'allure batailleuse du nouveau débarqué, fait des démarches auprès de M. Bertin Aîné qui enrôle le cadet littéraire au journal des débats. Par dévouement pour son protecteur, M. Granier de Cassagnac entreprend de débarrasser Victor Hugo d'un rival qui le gênait alors et de propos délibérés, il entre en campagne par un éreintement en 4 points d'Alexandre Dumas. Vous voyez qu'on retrouve bon, et le mot d'éreintement et les 4 points comme Baudelaire faisait allusion à cette méthode droite primo, secondo, tertio. En 4 points, on exécute. L'auteur d'Anthony répond dans la Revue de Paris, l'auteur de La Brinvilliers, c'est un drame de Granier, riposte dans les débats, et la bataille durerait probablement encore si M. Bertin, que tout ce tapage incommodé, n'avait prié M. Granier de Cassagnac de mettre une sourdine à sa critique ou d'aller ferrailler plus loin. Alors la démolition d'Alexandre Dumas par Granier de Cassagnac est terrible et elle est mémorable. Bien sûr, il y en aura d'autres par la suite. D'autres dénonceront les plagiats de Dumas. Mais celle de Granier de Cassagnac, signée G dans le journal des débats, c'est une étude, une longue étude du théâtre de Dumas et de sa dépendance de ses sources. Voici ce qu'il dit pour commencer. « Nous ne disons pas cela, donc que Dumas emprunte. Pour en faire un reproche à M. Dumas, l'histoire appartient à tout le monde, mais pour constater qu'il ne s'est pas mis en grands frais d'invention. Par exemple, M. Dumas ne s'est pas contenté de cela, il a encore pris les scènes et les phrases, et il nous semble que ceci passe un peu le privilège dont nous partions. » Donc, tout Dumas est réduit par Cassagnac à un plagiat. Pièce par pièce, il détruit. Dumas n'est encore qu'un dramaturge à ce moment-là. Comme ici l'espace nous manquerait pour transcrire toutes les scènes empruntées et que d'ailleurs toutes aussi ne sont pas prises mot pour mot, nous nous bornerons à continuer d'indiquer les sources entre le lecteur et nous. Ce doit être maintenant une affaire de confiance. Nous devons reconnaître ici que M. Dumas possède un merveilleux degré, le talent de s'approprier l'idée d'autrui. Il modifie et métamorphose les choses, il les change de lieu et de costume, il fait d'un turc un anglais, d'une lettre un homme, ce qui est au commencement et de place à la fin, mais il ne faut pas se laisser dépister par ses ruses, car le plagiat est toujours plagiat. Et en particulier, il s'en prend aux emprunts qui sont faits à Hugo. Il y a bien une défense de Hugo, il trouve Hernani, Le dernier jour d'un condamné, Marion Delorme, Anthony comme plagiat de Marion Delorme, qui a été arrêté par la censure et Dumas a pu profiter de ce retard. À la suite de cet article, Granier de Cassagnac est obligé de le revendiquer, de le signer, alors qu'il n'était que signé G, dans une lettre un peu plus tard au journal des débats, parce que on accuse Hugo de l'avoir commandé, d'avoir téléguider sa plume. Et il doit disculper Hugo d'être derrière son article, insistant au contraire sur le fait que Hugo a tenté de l'interdire, de lui interdire de le publier. « On me permettra de trouver assez extraordinaire que je sois obligé de prouver à M. Dumas que je fais moi-même ce que je fais, sans copier personne, sans solliciter la collaboration de personne. Et cela parce que j'ai jugé convenable de rendre publique mon opinion sur la source de ces drames. Je déclare donc à M. Dumas que j'ai conçu tout seul l'idée de l'article que j'ai publié sur ces drames et que je l'ai écrit tout seul. Il n'y avait pas Hugo derrière sa main. Et il ajoute, d'ailleurs, il n'était pas nécessaire d'avoir recours à M. Hugo pour découvrir les empreintes de M. Dumas. Comme il a trouvé ses pièces, je les ai trouvées. J'ai chez moi la belle collection des chefs-d'œuvre des théâtres étrangers. Je cherchais Schiller, j'ai rencontré M. Dumas. Je cherchais Goethe, j'ai encore rencontré M. Dumas. Je cherchais Shakespeare, Lope de Vega, Lessing, Kotzebue, Otway. J'ai toujours rencontré M. Dumas. Et M. Dumas se met en quête de savoir qui m'a inspiré mon article. Quelques jours plus tard, il continue avec un second article tout aussi long de surenchère dans le journal des débats où maintenant il détruit non seulement les pièces mais les tentatives de Dumas comme historien. Dumas se juge intérieurement bien autrement que ses amis ne le jugent. Monsieur Dumas le sait bien, il n'a pas copié par accident, par effet de mémoire, par lapsus de plume, il a copié par système. Le plagiat commence où commence M. Dumas et il finit où il finit. Il s'est dit, il y a quelques années, le public veut des drames, copions des drames. Cette année, il s'est dit encore, le public veut de l'histoire, copions de l'histoire. L'an prochain, il eut copié de la théologie. L'an d'après, de la botanique et pourquoi pas, cure non. On voit bien le style de ce polémiste. Et c'est donc une démolition extrême que celle-ci. Nous avons dévoilé cette marche d'abord parce que cela n'est pas juste, à chacun sa gloire comme à chacun ses peines, que le frelon jeûne ou qu'il apprenne à faire du miel. Ensuite, parce que cela n'est pas littéraire, car si chacun de nous se met à copier de son côté, nous ne savons pas trop ce que les arts vont devenir, il nous semble qu'il y a quelque chose de mieux à faire que de détrousser les grandes renommées, c'est de nous efforcer de les égaler. Bon, c'est bien sûr un vieux débat que celui de l'imitation, mais dans l'article suivant, puisque ça continue, troisième article du journal des débats, cette fois-ci, selon la méthode traditionnelle pour repérer les plagiats, l'article de Granier de Cassagnac se déploie sur deux colonnes et il montre tout ce que Dumas doit à Augustin Thierry et à Chateaubriand dans son livre intitulé « Gaulle et la France ». Tout vient d'Augustin Thierry et de Chateaubriand et l'article se conclut par cette formule. Voyons ce qui reste. Nous évoquerions à la manière de Shakespeare que M. Dumas connaît bien, tous les écrivains, tous les grands poètes, dans les livres desquels il a laissé marauder sa pensée. Nous les appellerions l'un après l'autre, Goethe, Schiller, Walter Scott, Lope de Vega, M. Chateaubriand, M. Hugo, M. Thierry. Et en les faisant tourner autour des 6 volumes d'œuvres complètes, nous leur dirions de reprendre chacun son bien. Vous verriez aussitôt s'envoler des pages, des feuilles, des pièces, des volumes, se fondre, s'évanouir, et le caput mortuum qu'aurait laissé la main de ces grands hommes serait la valeur littéraire de M. Dumas. On dit que l'auteur de Henri III se tient désormais pour averti et qu'il ne copiera plus. Nous l'attendons à son premier drame ou à son premier livre d'histoire. Bon, là aussi, cette attaque est très célèbre. Vous voyez qu'on se fait vite une réputation d'éreinteur, et elle suscita une réponse de Dumas. Comment je devins auteur dramatique, aussitôt publié dans la Revue des Deux Mondes, quelques jours après, en décembre 1833, et Dumas se livre à une apologie, non pas du plagiat, mais de ce qu'il appelle la conquête. La conquête, encore un mot qui évoque le combat et la guerre littéraire. Ce sont les hommes, écrit Dumas, en réponse à Granier de Cassagnac, ce sont les hommes, et non pas l'homme qui invente. Chacun arrive à son tour et à son heure, s'empare des choses connues de ses pairs, les met en œuvre par des combinaisons nouvelles, puis meurt après avoir ajouté quelques parcelles de la somme des connaissances humaines qu'il lègue à ses fils. Quant à la création complète d'une chose, je la crois impossible. C'est ce qui faisait dire à Shakespeare, lorsqu'un critique stupide l'accusait d'avoir pris parfois une scène tout entière dans quelque auteur contemporain, « C'est une fille que j'ai tirée de la mauvaise société pour la faire entrer dans la bonne. » C'est ce que faisait répondre plus tard, qui faisait répondre plus tard encore à Molière, lorsqu'on lui faisait le même reproche, « Je prends mon bien où je le trouve, et Shakespeare et Molière avaient raison, car l'homme de génie ne vole pas, il conquiert. Hein » Il conquiert, et l'article de Dumas se termine en humiliant Granier de Cassagnac. Regardez juste la fin. Il explique qu'il doit dire ces choses parce qu'on l'a accusé de plagiat. Eh bien, je porte défi à chacun d'oser, aux autres critiques, d'oser pour lui-même signer de toutes les lettres de son nom les deux articles du journal des débats signés de la lettre G. On m'apprend que ces articles sont d'un monsieur Grenier ou Garnier de Cassagnac, avec ce nom deux fois déformé. Cela n'empêche pas Granier de Cassagnac de continuer le combat, et quelques mois plus tard, il écrit encore un article où il répond à la réponse d'Alexandre Dumas. Vous le voyez, il est beaucoup plus facile de s'entendre avec M. Dumas qu'avec ses amis. Nous avions dit que ces pièces étaient copiées et il avoue qu'elles sont prises. Seulement, et par habitude du beau langage, M. Dumas ajoute qu'il les a conquises. C'est le style des grands capitaines, mais tout le monde sait ce que cela veut dire. Donc j'arrête avec cette première démolition, mais elle fera date. Elle est longuement citée partout, par exemple chez Kérard, qui reprend tous ses articles. Et c'est ainsi que le jeune Granier, devenu de Cassagnac, aussitôt débarqué à Paris, s'est fait un nom, s'est lancé dans la carrière avec cette seule entreprise. Il dira plus tard, dans ses souvenirs, que dans la propagande romantique, Théophile Gautier porta la clé de Saint-Pierre et moi l'épée de Saint-Paul. Hein, l'épée de Saint-Paul de la propagande romantique. Collège de France, le 20 février 2018, vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon. Aujourd'hui, ce bois fatal m'a fait pleurer deux fois. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Compagnon. Sa série sur les chiffonniers de Paris a donné lieu à un bel ouvrage publié sous ce titre chez Gallimard en 2017. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons aux côtés d'Antoine Compagnon l'évocation des grandes figures de la guerre littéraire. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.